Interdit d'interdire, et moi j'y croyais, gommer les sourires 40 ans après. Le rêve de 68, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Des aboiements pour les moutons, de nous, ils ont eu raison. Si les choses vont mal, c'est la faute aux autres. Détester plus, pour se rassurer plus. Écoute-les mon frère, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Péroraison, effet de menton et les slogans pour les surdité, austérité, vanité, la fraternité, ils l'ont jeté. Moi, j'ai envie de changer, de croire à demain, de serrer les poings et tendre les mains. Toi et moi, mon frère, tu sais ce qu'on leur fait? On va démolir les cloisons et même sourire aux dignité, pluralité, vérité, parité, liberté retrouvée. La grève est poursuivie à l'unanimité. C'est la magouillocratie. Exécrocratie, ni de musclocratie, plus de sadocratie, ni de barbarocratie, fin de la furiocratie, et de la publicratie, plus de conocratie, ni d'agressocratie, plus de répugnocratie, ni de machocratie, pas de